la pâleur de tes mots, le bruit fin de tes yeux, le blanc, la lecture de ta bouche, le bleu de ta colère, le ton de ta gorge, le rouge, l'éclat de ta langue. Je passe à l'orange, le timbre aiguisé, le noir, l'accord de tes doigts, me file un marron, envoie de mes dents, le bleu, la note est sévère, blanche et douloureuse, l'onomatopée. Les couleurs passent.